Je travaille pour la presse, l'édition, le cinéma, les jeux vidéo ou encore la communication. J'illustre l'actualité ou une histoire. Je crée un scénario. Avec quelques crayons en main, je peux tout faire. B. Je passe mon temps devant des ordinateurs. Mon travail est très technique. J'aime beaucoup programmer. C. Je travaille dans un laboratoire et j'analyse la composition chimique de différents produits et substances. D. Je m'occupe toute la journée d'enfants. Ils sont petits et, avec moi, ils apprennent à lire et à écrire. E. Les amoureux m'attendent avec impatience, mais on n'aime pas me voir quand les lettres que j'apporte ne sont pas très agréables. Avec Internet, les gens ont moins besoin de moi. F. Je suis habillé en vert ou en blanc. Je dois avoir de très bons yeux et mes mains doivent être très, très habiles. J'ai fait de très longues études avant de commencer à travailler. G. Je prépare de bons petits plats dans de grands restaurants ou au restaurant de l'entreprise. Je fais le bonheur des gourmands et le malheur des gens au régime.